Enfants de tout pays, bonjour, vous êtes bien sur Radio Fagette Nancy 94.2. Yves est à la technique, secondé par Loni. Daniel en votre compagnie pour vous présenter Patchwork numéro 35, Patchwork à l'écoute des musiques du monde. Le programme d'animation d'aujourd'hui vous propose un voyage musical en Sicile. Trois coups de chapeau aussi pour les chanteurs d'origine sicilienne. Une promenade dans les vignes, vignes du Seigneur ou vignes tout court, et le tout étoilé de zouk antillais. On a dit zouk, alors zouk. Ce groupe français antillo-guyanais a été fondé en 1975. Il totalise plus de 20 albums, surtout des begins, mais il ne néglige pas le zouk, invite la à zouker, la compagnie créole. Okay. un voyage en Sicile aujourd'hui. La Sicile, c'est la plus grande île de la mer Méditerranée, au large de la pointe de la botte italienne, au sud de la Sardaigne, et c'est une région autonome d'Italie, d'une superficie de 26 000 km². Bon, 26 000 km², c'est à peu près la surface de la Lorraine. Et elle est peuplée de 5 millions de Siciliens. Les villes importantes, Palerme, bah c'est le chef-lieu, 650 000 habitants. Catane, 310 000. Syracuse, 120 000. Trépani, 68 000. Marsala, 83 000. Modica, 55 000. Et puis, de multiples raisons d'aimer la Sicile, sa gastronomie, ses odeurs, le parfum des fleurs, de la terre, du pain, des pizzas. La nature, ses plages, ses montagnes et volcans, ses forêts et sa campagne. La flore, ah, de belles fleurs, et variées en plus. Et puis la gentillesse des Siciliens, champion incontestable pour l'amabilité, le sourire, l'accueil, les services rendus, leur confiance, bon, ils sont juste trop gentils. Et puis des petits villages pittoresques, la Dolce Vita, c'est un autre rythme. Et puis l'histoire et l'archéologie et l'expressivité des Siciliens, sans oublier leur accent chantant. Alors moi, je vais garder mon accent de Visile pour vous dire le premier titre de ces chansons siciliennes et la Luna Mezzo o Mari. Picchiuzza mia e la luna a mezzo mare, mamma mia, mamma retare, figlia mia potai a dare, mamma mia, pensici tu, se ti rugno fruttaiolo e giovai, giovene lo cicciola a mano tevi, se ci acchiappa la fantasia di ciccioli a picchiuzza mia. Ti pompi a vicchiuzza mia e la luna a mezzo mare, mamma mia, mamma retare, figlia mia potai a dare, mamma mia, pensici tu, se ti rugno giladaro e tu vai, tu vene e lo cola a mano tene, se ci acchiappa la fantasia ti fa leccare lo gonatia. Figliuzza mia e la luna a mezzo mare, mamma mia, mamma retari, figlia mia potai a dare, mamma mia, pensici tu, io ti rugno un piccio fedo, un ricco e vedo assai e ti vuole tanto bene, notte e giorno vola via per passare, figlia mia. Le premier coup de chapeau sera décerné à Salvatore Adamo, qui est né en 1943 en Sicile, à Comiso. Et par arrêté royal du 4 juillet 2001, le roi des Belges lui a concédé le titre nobiliaire de chevalier officier de la couronne. Eh ben, en 2014, il reçut une victoire de la musique d'honneur pour ses 50 ans de carrière. tout en moi, tout de toi, Adamo. J'avoue, je vous dirai tout. C'est fou ce que j'ai pu rêver de vous. J'avoue, je suis un voyou. C'est vrai, je connais déjà tout de vous. Ma joue connaît votre joue et ma bouche la chair de votre cou. Ne m'en veuillez surtout pas, mais c'est pas nouveau, nous deux. Déjà tout de vous, je vous l'avoue. Tout en moi aime déjà tout de vous. C'est fou. Et maintenant que mon cœur s'est posé sur votre cœur, ça fait pam, pam, chez pam, chez pam, chez bobon de la. Mais vous, comment saviez-vous? Vous avez deviné mon rendez-vous. Mais vous, me l'avouerez-vous? Mon rêve est donc arrivé jusqu'à vous. Mais vous, vous sur mes genoux, puis-je penser que vous rêviez de nous? Ne m'en veuillez surtout pas, je laisse tomber. Le vous, voulez-vous, tout en moi, connais déjà tout de toi, je te l'avoue. Tout en moi, aime déjà tout de toi, crois-moi. Et maintenant que mon cœur peut se poser sur ton cœur, ça fait pam, pam, chez pam, chez pam, chez bobam, c'est vrai. Tout en moi rêve déjà tout en toi. Tout en moi rêve déjà tout en toi. Tout en moi rêve déjà tout, tout de toi. Promenade dans les vignes. Groupe de rock Saint-Angers. Les Minuchards, on les a déjà passés, sont fortement marqués par le terroir et ils célèbrent avec humour et joie de vivre la vigne et le jus de la treille. Ma vigne, les Minuchards. C'est dans les vignes que je suis né, sous un cep de cabernet. Ma mère, qui ne m'attendait pas, s'est allongé pour mettre bas. Mon père, en fier vigneron, au sécateur, coupa le cordon. C'est dans la hotte d'un vendangeur que j'ai passé mes premières heures. En attendant de prendre le sein, il m'a vendouné nos raisins. Et comme le vin fait du bon sang, ils m'avaient baptisé Vincent. J'avais à peine l'âge de 5 ans quand j'ai fait mes première vendange. C'est dans les vignes que j'ai passé les plus belles années de mon enfance. J'ai appris à aimer la vigne, tous les cépages, les rouges, les blancs. Et je suis toujours resté digne de l'héritage de mes parents. C'est dans les vignes que j'ai trouvé ma femme en train de vendanger. C'est dans les vignes que j'avons fui tous nos drôles quand de nous prenaient. Ainsi que j'ai passé ma vie à faire du vin et de l'eau de vie, à renifler le cul des barriques, à dormir près des alambics, à tailler et tirer les bois, qu'aux mouilles, qu'aux ventes ou qu'aux fasses froid, à jarper d'au matin au soir entre les fûts et le vieux pressoir. Quand je pourrais plus chausser ma vie, quand je pourrais plus courber les chines, quand je pourrais plus porter le paquet, quand je pourrais plus vendanger avec des douelles de barrique, des drôles m'installeront une boutique et je vendrai au Peignasout du pinot au bord de la route. Quand j'aurai bu mon dernier verre, quand je serai plus bon à rien faire, je me traînerai sur la colline, j'irai m'allonger dans ma vigne. Sous le cep de Cabernet, ce vieux Souchot où je suis né, je ferai de l'engrais à ma vigne qui m'a tout donné. Je ferai de l'engrais à ma vigne qui m'a tout donné. À ma vigne qui m'a tout donné. Aya Nakamura a grandi en banlieue parisienne, à Aulnay-sous-Bois. Oh, la vie des quartiers, elle connaît bien. Pour une femme, c'est pas si simple de s'assumer et d'évoluer, mais elle a réussi le grand défi de se présenter telle qu'elle est. Une femme forte, dans le milieu hip-hop, qui est souvent, il faut bien le dire, qui est souvent machiste. Dans les quartiers, certaines femmes n'arrivent pas à faire entendre leur voix, et se comporte, quelquefois, de façon à plaire à l'entourage. Et dans la chanson Angela, Aya pousse ses comparses à montrer leur vrai visage, à ne pas tomber dans les faux semblants, et à se laisser aller aux fuites faciles, les fêtes, bon, l'alcool, ou les rêves impossibles de prince charmant, ça n'existe pas. Angela, Aya Nakamura. Magique. Pour elle, tout a l'air facile. Elle se fout de vos avis, car elle vit au jour le jour. Dans son cœur, il n'y a que les hommes. La fête, elle a sa peur. Prend tout à la légère, et puis ne pense qu'à elle. Que faire en Sicile ? Carrefour des civilisations, la Sicile s'est forgée un cadre où sous un même soleil se retrouvent de fabuleux temples grecs, des châteaux et des cathédrales dans un style roman, byzantin ou arabe, des jardins orientaux, des palais et des églises au style baroque hispanisant. Allez admirer la superbe chapelle palatine à Palerme, cabotée au long de la réserve naturelle du Zingaro, et vivre au rythme débonnaire des îles Égades. Déambuler dans la lumière des temples d'Arigente, partir à la découverte de l'île de Pantelleria, en direction de la Tunisie, là où le vent et le vin font tourner la tête des amateurs de bout du monde, et puis se laisser porter par le raz-de-marée qui entre dans le marché aux poissons de Catane, gravir l'Etna, ben ça c'est pour les plus sportifs, et admirer les quatre coins de l'île, explorer les petites criques secrètes aux eaux turquoises de Panarea, ça c'est dans les îles Éoliennes, et puis Syracuse, nous voulons voir Syracuse. C'est au programme du guide du routard tout ça. Allez, je vous le dis avec l'accent de Visile. Sicaredou, di lou me cori. Deuxième coup de chapeau sera décerné à Frédéric François. Francesco Baracotto, dit Frédéric François, est né en 1950 à Lercara Fridi, en Sicile. Ses ventes de disques sont estimées à 15 millions d'exemplaires en France, ce qui fait de lui le troisième chanteur belge le plus vendu de l'histoire de la musique, derrière Adamo et Jacques Brel. Il a obtenu 26 disques d'or et il a chanté 350 chansons en 4 langues. Je t'aime à l'italienne, Frédéric François. Oh, oh, oh, je t'aime à l'italienne. Oh, oh, oh, je t'aime à l'italienne. J'ai au fond du cœur une drôle de chanson sicilienne que tu sais par cœur car ma vie ressemble à la tienne. Je t'aime plus fort que les volcans de l'Italie. Quand résonne encore le bruit des verres de Chianti. Oh, oh, oh, je t'aime à l'italienne. Oh, oh, oh, je t'aime à l'italienne. J'ai le cœur qui bouge, je parle avec les mains. Et je vois tout rouge si tu parles à quelqu'un. Quand le vent du sud joue la musica, je chante avec lui rien que pour toi. Oh, oh, oh, je t'aime à l'italienne. Oh, oh, oh, je t'aime à l'italienne. Notre histoire d'amour ressemble à la Dolce Vita. J'ai loué pour un soir tous les violons de la Scala. Il y a sur tes lèvres un peu de Fellini Roma. Et moi dans mes rêves j'ai des envies de vendetta. Oh, oh, oh, je t'aime à l'italienne. Oh, oh, oh, je t'aime à l'italienne. Sur un grand bateau parti pour l'Amérique, un baracato faisait de la musique. J'ai gardé de lui l'amour des barcaroles et le souvenir de ses paroles. Oh, oh, oh, je t'aime à l'italienne. Oh, oh, oh, je t'aime à l'italienne. Oh, oh, oh, je t'aime à l'italienne. J'ai le cœur qui bouge, je parle avec les mains. Et je vois tout rouge si tu parles à quelqu'un. Je te veux jalouse plus longtemps qu'un refrain. L'amour italien te va si bien. Oh, oh, oh, je t'aime à l'italienne. Oh, oh, oh, je t'aime à l'italienne. Je parle avec les mains et je vois tout rouge si tu parles à quelqu'un. Quand le vent du sud me joue la musica, je chante. Oh mystère, oh désir, oh vigne d'alentour, fleur du Val solitaire, est-ce sur la terre ce qu'on nomme l'amour? La vigne en fleurs, ben c'est un poème d'André Theurier, poète du XIXe siècle, et mis en musique par Jean-Marc Versini. La vigne en fleurs, Jean-Marc Versini et Annie Versini. La fleur des vignes pousse et j'ai 20 ans ce soir. Oh que la vie est douce, c'est comme un vin qui mousse en sortant du pressoir. Je sens ma tête prise d'ivresse et de langueur. Je cours, je bois la brise. Est-ce l'air qui me grise ou bien la vigne en fleur? Ah, cette odeur éclose dans les vignes là-bas, je voudrais et je n'ose étreindre quelque chose ou quelqu'un dans mes bras. Comme un chevreuil farouche, je fuis sous les halliers. Dans l'herbe où je me couche, j'écrase sur ma bouche les fruits des framboisiers. soir. Oh que la vie est douce, c'est comme un vin qui mousse en sortant du pressoir. Je sens ma tête prise d'ivresse de langueur. Je cours, je bois la brise. Est-ce l'air qui me grise ou bien la vigne en fleurs? Et ma lèvre charmée croit sentir un baiser qu'à travers la ramée une bouche embaumée vient tendrement poser. Au désir, au mystère, aux vignes d'alentour, fleur du val solitaire, est-ce là sur la terre ce qu'on donne l'amour? Après avoir donné naissance à Babi J, la diva du zouk avait bien prévenu qu'elle reviendrait dans le jeu fort, fort, fort, et elle a tenu ses promesses. Alors malgré la fatigue, l'allaitement et la présence de ce nouvel homme dans sa vie, Stony continue de parcourir la planète avec son bébé globetrotter à son bras à la rencontre de son public, Monsieur Stony. J'aurai ton temps juste ce soir. Je veux pas te décevoir, mais je n'ai pas pour m'ambiancer. Me pose pas trop de questions. Tiens-moi et passe à l'action. Tu as toute mon attention. Car je sens le ram pam pam pam comme Rihanna. Il te reste quelques secondes pour montrer ce que tu vaux. Ne parle pas trop dans ma tête, je veux écouter la mélo. Moins de mots, plus de flow. Je veux danser, alors fais-moi ram pam pam comme Rihanna. Ram pam pam comme Rihanna. Et ce soir je vais ram pam pam comme Rihanna. Ram pam pam comme Rihanna. Comme Rihanna. Que manger en Sicile? Oh, réputé pour son raffinement, la cuisine sicilienne s'est développée en additionnant et en mêlant les traditions culinaires des différents peuples qui se sont succédés en Sicile. Les pâtes, bien sûr, y occupent évidemment une place de choix. Les antipasti, les hors-d'œuvre, font la part belle aux artichauts frits, aux capelli, sorte de crêpes, au gratin d'aubergine ou parmesan, à la ratatouille au capre et au poulpe au céleri. En ce qui concerne les plats un peu plus consistants, on parlera des risotti aux crustacés et aux poissons, de la semoule de couscous avec des légumes, brocolis, asperges, aubergines, sans oublier les condiments avec les capres, les olives et les tomates séchées. Alors, 5 spécialités gastronomiques siciliennes à ne pas manquer. Le pizzolo, une sorte de pizza fourrée, salée ou sucrée, avec pistache et chocolat. L'arancino, une grosse boule de riz recouverte de chapelure panée, frite et fourrée de ragoût. Le biscotto di Napoli, une douceur sucrée que l'on trouve dans toutes les boulangeries-pâtisseries de Lille, une pâtisserie fourrée à la confiture de melon. Le cannolo, il se présente sous la forme d'un tube de pâte frite bourré de ricotta, et la ricotta, c'est un fromage de pâte fraîche. La pistache et l'amande sont présentes dans de nombreuses spécialités siciliennes, en pâtisserie, en glace, dans les sauces et même dans le pesto. Et puis une boisson à l'amande, c'est le granita. Paradis terrestre des fruits et légumes, on retiendra le raisin Italia de Canicati. Allez, du miel. Région vinicole, dont la qualité progresse, on mentionnera le Marsala. C'est un vin muté en sec ou en vin de liqueur, et les raisins sont récoltés en pleine maturité, puis exposés au soleil pendant quelques jours pour concentrer le sucre. Allez, parle moins fort, on pourrait bien nous entendre. Parla più piano. Parla più piano e nessuno sentirà. Il nostro amore lo viviamo io e te. Nessuno sa la verità, nemmeno il cielo che ci guarda da lassù. Insieme a te io resterò, amore mio, sempre così. Parla più piano e vieni più vicino a me. Voglio sentire gli occhi miei dentro di te. Nessuno sa amore mai più grande esisterà. Parla più piano e vieni più vicino a me. Voglio sentire gli occhi miei dentro di te. Nessuno sa la verità. È un grande amore mai più grande. Notre troisième coup de chapeau sera décerné à Claude Barzotti. Il est né en 1953 en Belgique et il a beaucoup séjourné en Sicile.

sifflotant ou en restant très concentré. C'est le clic-clac du sécateur des vendangeurs que font claquer les doigts agiles des coupeurs. C'est le clic-clac du sécateur des vendangeurs que font claquer les doigts agiles des coupeurs. Il y a ceux qui font un marathon pour prouver leur vitalité, et ceux qui rament tout au fond, qui en peuvent plus, qui sont crevés. Ceux qui ont mal dans le bas du dos ou au genou, mal au poignet, un lumbago ou mal partout. C'est le clic-clac du sécateur des vendangeurs que font claquer les doigts agiles des coupeurs. C'est le clic-clac du sécateur des vendangeurs que font claquer les doigts agiles des coupeurs. Ceux qui d'une entremet à l'autre en profitent pour fumer leur clope, ceux qui attendent que leur voisin leur file un petit coup de main. Des vrais amoureux de la vigne qui en savourent le nectar et qui par avance imaginent le bon vin qui en sortira. C'est le clic-clac du sécateur des vendangeurs que font claquer les doigts agiles des coupeurs. C'est le clic-clac du sécateur des vendangeurs que font claquer les doigts agiles des coupeurs. C'est le clic-clac du sécateur des vendangeurs que font claquer les doigts agiles des coupeurs. C'est le clic-clac du sécateur des vendangeurs que font claquer les doigts agiles des coupeurs. Que rapporter de Sicile? Aux traditions locales et produits du terroir, de la crème de pistache, une pâte à tartiner, un vrai régal qui agrémente les fromages blancs, les yaourts et autres tartines. Du marsala pour l'apéritif ou le dessert, ou tout simplement avec le melon, ça c'est bon. Du limoncello, de la liqueur de citron, ou de la liqueur de figue de Barbarie. Et puis alors là, ça se mange pas, des céramiques de Caltagirone, dans la province de Catane, des ateliers de majolique, de la faïence, c'est une tradition datant du Moyen-Âge. Un vaste choix est proposé, vous aurez des assiettes, des bols, des vases de saladiers aux motifs colorés. Et puis des instruments de musique, les plus typiques sont la guimbarde, le friscaletto, sorte de flûte très fine, et tambourin peint et décoré de rubans. Et puis ils enchanteront les enfants, les marionnettes de Palerme. Des petites charrettes peintes qui rappellent le folklore. Du miel de l'Etna, notamment le miel aux fleurs de citronnier, particulièrement parfumé. Des fruits di Martorana, des douceurs réalisées en pâte d'amande et moulées en forme de fruits. Si, si, vous connaissez. Et puis du papyrus. La plante de papyrus pousse très bien en Sicile, dans la région de Syracuse. Le musée du papyrus, d'ailleurs, qui est là-bas, est intéressable sur le sujet. Et puis de l'huile d'olive, huile extra vierge de Sicile. Elle est réputée pour sa qualité aromatique et son parfum. Un filet d'huile sur du pain blanc, quel régal. Sicilia tutta amori. Da sto mondo certamente posto belli assai c'è, ma lo paradiso in terra vi lo dico io qual è. E la mia Sicilia bella perché ognuno ha trova qua, la più dolce primavera, soli e giorni in quantità. Sicilia tutta amore, Sicilia tutta sciore, che gran felicità, quanto è bello stare qua. Sicilia tutta amore, Sicilia tutta sole, lo paradiso in terra veramente è tutto qua. si sa picca di letto in alumari, d'aranci nei giardini tutti su. E zoppo deliziosa da urmina, è un posto che incantare a tutte fa. Sicilia tutta muri, Sicilia tutta sciuri, in paradiso in terra quanto è bello stare qua. Forasteri a mille fanno tappa sempre qua. Sono pazzi per sto mare, per sto sole a volontà. La Sicilia generosa, innamorare a tutte fa. E covene pena vota, cento volte torna qua. Si sa picca di letto in alumari, d'aranci di giardini tutte su. E zoppo deliziosa da urmina, è un posto che incantare a tutte fa. Sicilia tutta muri, Sicilia tutta sciuri, in paradiso in terra quanto è bello stare qua. De la vigne au vin est une ronde et une chanson de Vendange. Une chanson à boire dans le schéma initial remonte au moins au XVIe siècle. Bah, tu vois, Loni, tu auras pu dire que tu auras passé une chanson du XVIe siècle. Réactualisé par Aristide Bruant, il l'inscrivit à son répertoire et avec des paroles différentes, la chanson a été reprise par de nombreux artistes. La vigne au vin. De verre en vigne, la voilà la jolie vigne. Vigne, vigne, vigne, le vin. La voilà la jolie vigne, au vin. La voilà la jolie vigne. De vigne en grappe, la voilà la jolie grappe. Grappe, grappe, grappe, le vin. La voilà la jolie grappe, au vin. La voilà la jolie grappe. Grappe en rote, la voilà la jolie hotte. Hotte, hotte, hotte, le vin. La voilà la jolie hotte, au vin. La voilà la jolie hotte. De hotte en cuve, la voilà la jolie cuve. Cuve, cuve, cuve, le vin. La voilà la jolie cuve, au vin. La voilà la jolie cuve. Cuve en presse, la voilà la jolie presse. Presse, presse, presse, le vin. La voilà la jolie presse, au vin. La voilà la jolie presse. De presse en tonne, la voilà la jolie tonne. Tonne, tonne, tonne, le vin. La voilà la jolie tonne, au vin. La voilà la jolie tonne. De tonne en cruche, la voilà la jolie cruche. Cruche, cruche, cruche, le vin. La voilà la jolie cruche, au vin. La voilà la jolie cruche. De cruche en verre, le voilà le joli verre. Verre, verre, verre, le vin. Le voilà le joli verre, au vin. Le voilà le joli verre. Verre en bouche, la voilà la jolie bouche. Bouche, bouche, bouche, le vin. La voilà la jolie bouche, au vin. La voilà la jolie bouche. De bouche en ventre, le voilà le joli ventre. Ventre, ventre, ventre, le vin. La voilà le joli ventre, au vin. La voilà le joli ventre. Ventre en terre, la voilà la jolie terre. Terre, terre, terre, le vin. La voilà la jolie terre, au vin. La voilà la jolie terre. De terre en vigne, la voilà la jolie vigne. Vigne, vigne, vigne, le vin. La voilà la jolie vigne, au vin. La voilà la jolie vigne. La voilà la jolie vigne. Et c'est ainsi que s'achève Patchwork à l'écoute des musiques du monde. C'était le numéro 35. Merci à Yves et merci à Louni et pour la réalisation technique. Et puis aussi merci à vous les auditeurs de nous avoir écoutés. Retrouvez durant toute la semaine le podcast de cette émission en vous rendant sur le site de Radio Fagette Nancy. Et puis le prochain Patchwork, ben c'est dans 15 jours. Et dimanche prochain, ben nous vous espérons fidèles et nombreux à la cerise sur le canto. En attendant, soyez heureux et branchés. À l'écoute de Radio Fagette Nancy 94.2, c'est pour les Lorrains. Et sur le net, fagette.net en ligne, pour les autres Européens. Nous vous laissons en compagnie de Thierry pour son émission Discothèque Classique. Allez, au revoir.